J'ai fait comme mon maître d'histoire quantitative, Pierre Chonu. J'ai essayé de mettre en statistique notre colloque. 3 jours, 24 recherches inédites, 300 auditeurs, 20 heures de conférenciers, 1200 minutes d'écoute et 30 000 mots, parce qu'on calcule qu'il y a 30 mots par seconde. C'est de dérouler devant vous un demi-millénaire d'histoire, et je dirais une histoire comparée franco-habsbourgeoise, surtout depuis un certain 3 juillet 1519, alors je tiens à cette date, 3 juillet 1519, où le roi de France, François Ier, apprend à Poissy, eh bien qu'il ne sera pas empereur du Saint-Empire romain germanique. Et, dit-on, il a une mélancolie. Avouez que le défi, les Habsbourg et la France, avait des allures de grand seigneur, et je crois qu'il a été lancé, il a été tenu. Parfaitement, et grâce à vous, tous. Et d'abord, à son Altesse impériale et royale, Charles de Lorraine et Habsbourg, ou Habsbourg-Lorraine, plutôt. Il était très présent jeudi, il ne peut pas être auprès de vous et il s'excuse et il vous prie de l'excuser. Et je crois qu'il a une très bonne et juste cause. Il devait se rendre dès demain à Istanbul pour trouver une solution aux destructions culturelles et patrimoniales en temps et en lieu de guerre, notamment en Syrie et au nord du Mali. Mais je crois que son superbe témoignage sur son père et sa mère, à propos de la Bourgogne, de l'idée impériale, de la culture multiple européenne, du rôle de l'éducation, et j'ai bien noté, hein, si vous avez des enfants, des petits-enfants ou des arrière-petits-enfants, il faut éduquer que 5 matières, l'histoire, la géographie, la religion, les arts et un peu de les langues, que 6 langues, plus le latin. Et évidemment, il l'a dit avec un français impeccable. Nous aimerions qu'il y ait des suites. Et je suis heureux, avec Monsieur Mathieu Davina, de vous dire cette suite. Il y aura des actes de ce colloque grâce au professeur Bled, grâce à la revue Études danubiennes. Deuxième suite, Madame Eva Demerle est parmi nous, c'est la grande biographe d'Otto de Habsbourg. Je crois qu'il faut une biographie française, et je vais dire sur Otto de Habsbourg-Lorraine, si on veut le dire en français, comme on le disait dans les années 50, O-T-H-O-N. Enfin, je vous ai proposé, et c'est vous qui voyez, si vous voulez vous engager, une association Otto de Habsbourg pour continuer et s'inspirer de la réflexion sur l'œuvre et la vie d'Otto de Habsbourg. Merci sincèrement et chaleureusement aux 24 chercheurs. Reprendre vos grandes lignes, je ne peux point, je l'avoue. Mais j'avoue que vos recherches nous rendent plus heureux grâce aux Habsbourg. Avec vous, nous étions transportés vers des travaux et des jours peut-être les plus glorieux de notre humanité. 1000 merci aux grands organisateurs d'ici. Et je pense d'abord à Madame la Présidente, Madame Catherine Pégard. Nous avons beaucoup apprécié sa venue, son ouverture, son introduction. Madame la directrice Béatrix Sol. Et alors je me suis aperçu que les touristes nous assaillaient. Et j'ai eu peur, car je ne voulais pas finir comme au 6 octobre 1789. Mais grâce au personnel, nous avons pu résister. Monsieur le directeur, Mathieu Davina, j'ai beaucoup apprécié de travailler avec vous et auprès de vous. Votre présence d'esprit, votre intelligence m'a beaucoup plu. Et je crois qu'on a pu mettre en place une dynamique, et c'est une dynamique que les Habsbourg et la France méritent. Mille merci au président de séance, monsieur le directeur Raphaël Masson, messieurs les professeurs Lucien Belli, Jean-Paul Bled et notre amie Catherine Lecomte. Mille merci aux amis de la Fédération des sociétés historiques et archéologiques. Venez dans les 36 associations d'histoire des Yvelines. C'est un appel avec nos amis Elisabeth Saunier qui m'a beaucoup aidé à tout instant, Jacques Marek, Serge et Claudie Fournier. Je pense aussi à Pierre-Émile Renard et je pense à l'Université libre aussi de Saint-Germain-en-Laye avec Nadine Vivier. Il y a parmi nous aussi quelqu'un, je pense, parce que c'est l'inspecteur d'Académie des Yvelines, c'est mon chef en tant que professeur, monsieur Joël René Dupont, je le remercie d'être parmi nous. Je voudrais remercier enfin tous les personnels de ce musée, Madame Lombardi notamment, et je tiens à ce qu'on les applaudisse. Avec le personnel pour la technique, et on peut continuer à les applaudir, parce que vous avez vu ce que c'est que la technique. Et tout le personnel d'hébergement, de restauration. Et j'ai apprécié, je suis un homme du livre, la librairie des princes. J'espère qu'ils entendent. À vous enfin, public, auditeurs, je crois que nous avons appris et apporté un enthousiasme. Et cet enthousiasme, eh bien, nous le devons à Otto de Habsbourg. 98 ans. Comment bien vivre et toujours mieux vivre 98 ans. Alors je me suis posé la question, comment rendre hommage à Otto de Habsbourg, parce que c'est quand même le sujet. Hein. Dire une prière devant Dieu et devant vous. Mais avec un nœud papillon, je ne ressemble pas à un prêtre, un pasteur, un rabbin ou un imam qui était là le 16 juillet 2011. J'avais pensé à un concert de tziganes au château de Versailles. Il faut demander quelques autorisations. Et j'ai pensé aussi dire un mot en hongrois. Visszon látásra, c'est-à-dire au revoir. Mais finalement, j'ai pensé à ce texte peut-être le plus touchant de l'histoire de l'humanité. Ce cérémonial, très chrétien et très européen, traduit par une élève du lycée international de la section allemande, je tiens à la citer, Sarah Stecker, qui a traduit, et je remercie Jean Sevilla, c'est vous-même qui me l'avez transmis, le cérémonial devant la porte de la crypte des Capucins, le 16 juillet 2011, à 19h, 6 Tyroliens tirent le corps d'Otto de Habsbourg et le présentent au porche. Le maître des cérémonies attend. Le frère portier aussi. Le maître des cérémonies s'écrie. Qui demande la permission d'entrer? Le cérémoniaire répond. Otto. Archiduc héritier d'Autriche-Hongrie, prince de Hongrie, Bohême, Dalmatie, Croatie, Slavonie, Galicie, Lodomérie, Illyrie, roi de Jérusalem, archiduc d'Autriche, grand-duc de Toscane et de Cracovie, duc de la Lorraine et du Bar, de Salzbourg, Steyr, Carinthie, Carniole, Bucovine, grand-prince de Transylvanie, margrave de Moravie, duc de Haute et Basse-Silésie, de Modène, Piacenza, Gastalla, d'Auschwitz, et de Zator, de Téchen, du Frioul, de Raguse et Zara, margraves de Haute et de Basse Lussas, d'Istrie, comte de Hohenems, Feldkirch, Bregenz et Sonnenberg, seigneur de Trieste, de Kotor, grand voïvode du voïvodat de Serbie, infant d'Espagne, prince de Portugal et de Parme. Je ne le connais pas. Une seconde fois, le maître de cérémonie frappe trois coups. Qui demande la permission d'entrer ? Docteur Otto de Habsbourg, président et président d'honneur de l'Union pan-européenne, membre et doyen du Parlement européen, docteur honoris causa de nombreuses universités, citoyen d'honneur de nombreuses communes d'Europe centrale. Nous ne le connaissons pas. De nouveau, la canne retentit. Qui demande la permission d'entrer ? Otto, un être mortel et pécheur. Qu'il entre. Je vous remercie.